Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 au 31 octobre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et toi, Stéphanie Gagné. Oui, oui. Merci Mathieu d'ouvrir mon micro. Ça fait plaisir. Non, mais on s'installe tranquillement pas vite pour une émission de 3 heures où on vous présente le meilleur, le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Cette semaine est une semaine de renouveau, je dirais. Oui, beaucoup. On a vraiment beaucoup de nouvelles entrées. Comme je l'avais dit la semaine passée, il y a beaucoup d'artistes que ça faisait longtemps qu'ils étaient sur le palmarès. Fait que il fallait s'y attendre qu'elle allait avoir un gros changement au palmarès. On était dû pour un ménage. Donc, si je les compte très rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 nouvelles entrées. On en a 6 du côté anglo et 4 en franco. On va attendre d'ici la fin de la première heure, je pense. Hein? Final Flash, Fun, Mr. Valère, Katie Tunstall, OK Go et Brand Van 3000 du côté anglophone. Et du côté francophone, ça va être Kaloun Saloun, La Patère Rose, Jimmy Hunt. Mais on commence avec une nouvelle entrée d'Alex Nevsky à la 20e position. La pièce qu'on adore, la meilleure pièce de l'album, tant qu'à moi, Sous les stroboscopes, featuring la rappeuse de Random Recipe. Ouh! Oui, restez avec nous parce que plus tard dans l'émission, on a Vincent Vallière en entrevue et oui! La formation Our Book and the Authors qui va être avec nous vers les 16h tout à l'heure. Donc, soyez là pour ça. Oui, ben t'as raison, Steph. Caroline, c'est le pire début d'émission à vie, je pense, moi, sérieusement. Ça, c'est juste ta mauvaise humeur qui fait ça. Non, c'est pas de mauvaise humeur du tout. Ben, yeah. Non, faux. je suis de très bonne humeur. Mais sais-tu quoi? Ce qui serait la meilleure façon, je pense, de faire ça... C'est qu'on va skipper une chanson que ça fait longtemps qu'elle est là, puis on va faire jouer sous le stroboscope. Bonne idée, tout à fait. C'est une... Oui, j'adore cette suggestion-là. Donc, on écoute tout de suite, à l'instant, Alex Nevsky avec sa pièce « Sous le stroboscope ». Puis après ça, ben, on va s'enchaîner ça comme ça devrait être. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de oubli dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimant sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeant sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli danse sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bar, the facts. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli. Remplir nos têtes de oubli dans sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. Numéro 20. Nouvelle entrée. I'm not an actress. I'm a waitress. I'm not a waitress. I'm an actress. I'm not an actress. I'm a waitress. I'm not a waitress. I'm an actress. I get high on you. I could see you in my movie. Sometimes I forget the story. Yes, they say that I am funny. When they say so, it feels sunny. It feels sunny. And I know they wanted us to cut here, but it just keeps on rolling. Like back in Cali, taking shots out in the valley where they flock. City blocks and kids converge to the birds with soccer moms and caravans. Love to jam. So much can't be planned, like forgiveness to be lived. Feeling for another dose, getting high for you is. solar system. You can feel the vision. You can see the rhythm, lighting in the mission. Heart racing as we stargazing, taking in all that surrounds, baby. I ain't coming down, feeling for a constant fix that softens any heart the hardest. Believing even Adam had his feeling in the garden. Believing dreams you have and fathom bliss within your reach. Stretch beyond imagination, learn the lessons they can teach. Without wings, we lift off, drift off, and get lost. Only to find we're much closer than we first thought. Only to shine in the darkest of times. Harvest divine, plant seeds for future to find. In my heart, I'ma keep you in mind. Just to get by, cause an image of you's enough to get high. Calendrier, sport équestre, tout ce que vous voulez, un ramassis. De l'intérêt sur commande, je qualifierais de la séduction. CFOU.ca. C'est fou en ligne. Une présentation de Infotech Internet. Ça ne m'intéresse nullement. J'aurais préféré t'emmener en motocross dans les Alpes. Tes yeux se décalent sur mon flanc, sur mon flanc. C'était long et le monde était chiant. J'aurais préféré t'emmener en motocross. Que ta peau prenne une odeur d'essence. Et tu es la moteur, et tu es la moteur. Écoute tes cheveux se débrochent en motocross comme des vagues. Et ton bain jusqu'au torse en motocross dans les Alpes. C'était long et vraiment fucking plate. J'aurais préféré t'emmener en motocross dans les Alpes. Sentir ton cœur battre dans mon dos, dans mon dos. Et que tes cheveux se débrochent en motocross comme des vagues. Jusqu'au tos en motocross dans les arts. 19, nouvelle entrée. Heureux qu'il y ait White Knuckles sur le palmarès. Oh que oui! Ah, je suis tellement trop contente. Ben, toutes les nouvelles entrées cette semaine, en tout cas à date, ça va très très bien. Oh oui! Avant OK Go et White Knuckles, on a entendu Jimmy Hunt avec Motocross en position numéro 19 francophone. Et avant ça, c'était nos 20e positions de chaque côté. Oui, Brad Van 3000 avec You, côté anglophone. Et Alex Nevsky avec Sous les Stroboscopes en 20e. On est francophone, évidemment. On est rendu aux positions numéro 18 et 17 qu'on va entendre ensemble. Il va y avoir Kaloun Saloon tout à l'heure. Il va aussi y avoir Katie Tunstall et Mister Valère. Oui, mais on va commencer avec une nouvelle entrée pour la patate rose. Position 18, ça va être Waikiki de leur hippie. Waikiki de leur hippie? Oui. Dans... Maxi, peu importe. Ouais. Dans les palmarès, c'est fou au 89 ans. Il n'y a pas de i là-dedans. Non, il n'y a pas de i. J'ai cherché, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pay my lip service. je parle au trucker. Tu t'en vas, t'es dans ton truck, t'as ta cargaison en arrière, t'es sur le frein Jacob, tout le kit, tu te demandes quoi écouter comme musique. Pose-toi pas trois questions, gros. Entre deux œufs bacon, Saint-Tonis, CFOU. C'est fou, au 89.1. Retour Mister Valère, Fun, Final Flash et Carquois dans les palmarès et fou au 89.1 FM. Numéro 17. Nouvelle entrée. Hey, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Don't give up. Solving, keep on the one, two, stick like cette chanson-là, c'est du génie, je trouve. C'est tellement bon. Quelle mélodie incroyable. En passant, allez voir le vidéoclip interactif sur Internet. Oui. Avec cette pièce-là, c'est vraiment excellent. C'était Gumshoe de Mister Valère en position numéro 17 anglophone. Oui, justement, on a entendu Kaloun Saloun avec la pièce En manque, 17e position francophone. Vous trouvez peut-être que les choses déboulent à vitesse fulgurante. Et ça va continuer comme ça, je pense. C'est un peu ça. On va aller entendre les positions numéro 15 et 16 ensemble. Par contre, on va sauter par-dessus la 16e position francophone qui est Tolinéa avec une feinte au trépas. Oui, on va aller écouter tout de suite la pièce All the Pretty Girls qui est aussi une nouvelle entrée, 16e position du groupe Fun. Dans les palmarès, c'est fou au 89 FM. Girls on a Saturday night. So I call your name, cross my fingers, on cross the others, hesitate. Oh, I don't think straight with nothing to prove. I don't wanna say I'm leaving, I'll stay until the weekend. You can take all the things, the boxes and rings. J'ai ri. J'ai eu du fun parce que je me promenais sur le trottoir et puis il y avait deux jobbers qui étaient en train de faire une job de ciment. Puis ils chantaient une tune qui passait à la radio. Puis ils écoutaient C'est fou. C'est fou au 89.1. Vapeur de kérosène, 15. Nouvelle entrée. Thank you. Parle-moi de ça, toi, une nouvelle pièce de Final Flash dans le palmarès. C'était la position numéro 15, The Awakening de l'album Homeless dans les palmarès, c'est fou. Oui, avant ça, on a entendu All the Pretty Girls de Fun qui était à la 16e position. Et c'était excellent, ça aussi. Oui, absolument. C'est un des albums qu'on a écouté cette semaine dans le bloc Le Poste d'écoute dans Sondage Requis. On va sauter par-dessus beaucoup de choses, hein, parce qu'on a plein de choses à venir. Là. On a l'entrevue avec Vincent Vallière, on a l'entrevue avec Our Book and the Hutters et la chronique Guess What, c'était très mal prononcé, je sais. Guess What et les instants classiques d'Assemblage Requis. Donc, on va sauter par-dessus les positions 14, 13 et 12 de chaque côté. Du côté francophone, on va sauter par-dessus 3,50, 4 barils avec Ram, qui monte de 2 places. Ensuite, Jésus les filles avec On verra qui descend de 1 et Sonny Duval avec Bikini qui descend de 3 places. Et côté anglophone, on va passer par-dessus Danko Jones avec I Can Handle Moderation qui baisse de 11 positions. Ça fait quand même 8 semaines que c'était là. Winter Sleep avec New Inheritors qui baisse aussi de pas mal de positions quand même. Ça fait sa 4e semaine seulement. Et à la 12e position, The Dreadnoughts avec Cider Road qui montait de 6 positions. On va sauter aux positions numéro 11 donc, mais on saute aussi par-dessus la francophone. C'est The Mockingbirds avec Lève le son, ça descend d'une place. On va aller directement en anglo. Oui, on va aller écouter The Saltines avec Last Train from London qui monte de 8 positions. Et après ça, on devrait revenir dans l'ordre habituel. On devrait. Vous êtes dans un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. C'est les Palmarès C'est Fou au 89.fm. On lance nos affaires partout. Ah oui, non, écoute-moi ça, la bonne musique. Aïe, top, top, top, top, top, top. Stop it. Stop it. N'importe quoi. C'est des bruits par rapport. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est même pas drôle, finalement. Ça, non. Ça résume un peu Mathieu Plante. Hein. Restez avec nous, au retour, c'est les positions numéro 10, Chantal Archambault et Grinderman dans les palmarès C'est Fou au 89.fm. au cfou.ca. Vous êtes toujours dans les panneaux, c'est fou. On est rendu dans nos 10e position, mais avant ça, je dois vous dire que juste après les 10e positions, c'est l'entrevue avec Vincent Vallière. Ouh, c'est le temps d'aller chercher mon coke diète alors. Calme. Ils sont pas m'entendre. Ah, c'est ça, parce que c'est toi qui l'as fait, hein, puis tu veux pas te réentendre. Non. Je te comprends. Donc, moi, j'écouterais pas. Non, attends un peu, là, je suis en train de parler. Je suis en train de dire quelque chose. Que moi, j'aime mieux animer. En fait, je vais enlever mes écouteurs tout de suite parce que je veux pas m'entendre parler en train de. Ok, j'arrête. Pauvre Chantal! D'avoir des ailes, transforme-moi en mouche à feu pour que dans le noir tu puisses me voir. I keep a hanging around your kitchenette, and I'm gonna get a pot to cook you in. I stick my fingers in your biscuit jar and crush all your gingerbread men, 'cause I want. Salutary name. Riderman et la pièce Kitchenette, position numéro 10 anglophone, ça monte de 5 places. Et justement, c'était Chantal Archambault avec Caval qui descend de 7 positions. Ça fait quand même 7 semaines que c'était là. On est rendu position numéro 9. Tout à l'heure, on va entendre Danny Placard et Random Recipe. Mais avant ça, Stéphanie, plus tôt cette semaine, t'as eu un plaisir énorme, je crois. Ah oui, mais j'aurais encore mieux aimé si ça aurait été live en studio avec lui ici. Il aurait peut-être pu nous jouer une petite pièce. Performance, ouais. Oui, ça aurait été très cool, mais c'était par téléphone. Mais je suis quand même très contente. Ça s'est super bien passé. Super sympathique, Vincent Vallière. Très cool. Alors, on écoute ton entrevue à l'instant même. On a Vincent Vallière en entrevue aujourd'hui pour son spectacle qui va avoir lieu à Shawinigan au Centre des Arts vendredi. Donc, bonjour Vincent. Salut Stéphanie. Ça va bien? Ça va bien toi? Ah, absolument. Donc, on le sait que tu as sorti un album très populaire en 2009, Le Monde Tourne Fort, et il y avait environ 3 ans qui séparaient de l'autre album d'avant. Et là, tu es en tournée assez intense depuis ton dernier album. Tu n'as vraiment pas arrêté depuis la sortie, puis on peut pas vraiment avoir à attendre 2 ans. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ton futur album? J'ai commencé à y penser. J'ai quelques chansons qui sont là, qui sont pas nécessairement toutes complétées, mais qui commencent à exister. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de continuer, parce que là, cet automne, on tourne vraiment à raison de plusieurs spectacles par semaine, fait que ça rend l'écriture de chansons originales plus difficile là, présentement, je te le cacherai pas. Ouais, c'est ça, puis ça continue aussi en février. Tu vas être à Montréal, entre autres, le 4 février, donc ouais. C'est pas juste cet automne, tu continues quand même à tirer cet album-là jusqu'au bout. Ouais, ben en fait, la tournée, on devrait en avoir là beaucoup là jusqu'à la fin de l'été 2011, puis suite à ça, je vais essayer de me remettre à l'écriture le plus rapidement possible. J'ai très hâte de réécrire des chansons, mais je devrais avoir des pauses quand même, parce que tu vois là, à la mi-décembre, la tournée va s'arrêter jusqu'à la mi-janvier, je pense. Et donc, dans ces moments-là, je vais essayer de prendre le temps de continuer l'écriture. Ah, c'est parfait, on a hâte d'entendre ça nous aussi, même si on va attendre un petit bout, mais en attendant, on peut toujours aller te voir en spectacle. Oui. On va en parler plus tantôt de tes spectacles. Ton dernier album, il a été plus personnel, assez optimiste, toujours simple, et j'ai déjà lu que tu avais peur d'utiliser le mot « aimer » avant, et que là, tu l'as beaucoup utilisé dans le dernier album. Qu'est-ce qui a changé pour que l'album soit plus intimiste comme ça? Je pense que c'est la vie, le fait de vieillir peut-être qui m'a changé puis qui a comme déquétanisé des affaires pour moi. Quand j'avais 17, 18, 19, je me disais que c'était niaiseux de faire des chansons d'amour. Puis une dizaine d'années plus tard, on dirait que c'est devenu peut-être plus important. C'est Jean-Pierre Ferland, je l'ai déjà entendu dire en entrevue que les chansons les plus engagées sont les chansons d'amour. Puis je trouvais ça pas si fou que ça dans le fond, puis au bout du compte, c'est au bout du chemin, ce qui nous reste souvent, c'est ça, c'est l'amitié puis l'amour, puis le reste, c'est tous nos combats, tous nos engagements autres, tu sais, notre travail et puis les engagements sociaux qu'on prend, politiques, tu sais, je pense qu'il faut les prendre quand même, il faut s'engager comme citoyen, mais il y a une certaine pérennité, je pense, aussi à ces thèmes-là. Ouais, tout à fait. Puis justement, côté parole, tu t'inspires grandement du quotidien. Dans le fond, ça permet aux gens vraiment de se sentir interpellés par tes chansons. Mais côté musical, qu'est-ce qui t'inspire? Y a-tu des artistes en particulier que t'écoutes puis qui t'inspirent pour ton album? Ben, il y a plusieurs musiques là, qui ont inspiré ce disque-là. Mais je te dirais que quand je suis sur la route avec mes musiciens, on écoute la musique constamment. Tout le monde arrive avec les nouveaux albums, les nouvelles sorties, des vieux disques qu'on avait oubliés. Tu sais, donc ça part des Beatles, des Rolling Stones, les Kings, toute la musique des années 60-70, tu sais, tous les classiques de Dylan, Neil Young, puis tous les nouveaux artistes tu sais, qui ont émergé dans les 5 ou 10 dernières années. Là, tu sais, Gillian Welch, puis Dave Rawlings. The Arcade Fire, puis toute cette musique-là, fait que on s'abreuve, disons, à plusieurs sources différentes. Ah, c'est cool. Puis t'as participé récemment, ça date de, quand même un petit bout au spectacle et aux albums de 12 hommes rapaillés, donc des textes de Gaston Miron. Est-ce que t'as d'autres projets dans le même genre ou des idées folles que t'aimerais faire? Ouais, il y a plusieurs idées, plusieurs projets dont je peux pas te parler malheureusement là, qui sont en l'air, là, tu sais, dans les airs, des projets dont j'ai parlé avec certains autres artistes puis toute l'équipe, mais c'est des fois c'est juste qu'étant donné les horaires de chacun, c'est plus difficile de concrétiser certains fantasmes musicaux. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai toujours, tu sais, plus j'évolue là-dedans, plus les collaborations, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Et je pense on apprend toujours énormément, tu sais, à travailler avec d'autres. Ça nous permet de mieux définir qui on est puis qu'est-ce qu'on veut devenir. Puis fait que j'ai toujours aimé ça. Fait que toi, dernièrement, entre autres, j'ai participé à l'émission des Rescapés. Oui. Il y a des prestations musicales à la fin de chaque émission. Fait que là, je travaillais encore avec d'autres réalisateurs, avec un autre groupe. Puis j'ai bien aimé cette expérience-là. Mais c'est sûr que pour moi, à moyen puis à long terme, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment au niveau créatif, c'est peut-être d'échanger avec d'autres auteurs, compositeurs, d'autres auteurs pour faire avancer ma musique, puis ou peut-être même pour faire avancer la musique des autres en écrivant peut-être pour d'autres artistes. Là. OK, ouais, ça pourrait être intéressant. Et justement, parlant de collaboration, tu as eu des collaborations de Louis-Jean Cormier, de Carquois, et aussi de Marie-Pierre Arthur. Est-ce que des artistes, juste comme ça, mettons, un idole que tu aimerais vraiment travailler avec, même si c'est complètement fou? Ben, tu sais, ma réponse va paraître peut-être un peu plate, mais non, pas vraiment, parce que je trouve que présentement au Québec, on a vraiment des, peut-être les, en tout cas, genre, je reprends ma phrase, je trouve que présentement on a des créateurs qui ont rien à envier à tout ce qui se passe partout ailleurs sur la planète. Louis-Jean Cormier, je pense, fait définitivement partie de ces gens-là, Marie-Pierre Arthur aussi, pour la qualité de sa voix. Puis des fois, on n'a pas de tendance à se rendre compte de la richesse qu'on a sur notre propre territoire. Fait que, tu sais, oui, je pourrais dire, oui, j'aimerais ça faire un album avec Daniel Lanois. Ça serait potentiellement vrai, mais je pense pas que je serais nécessairement beaucoup mieux servi que si je faisais un disque avec Olivier Langevin ou Louis-Jean Cormier, qui sont comme qui sont vraiment pour moi des artistes qui ont beaucoup beaucoup à offrir créativement. OK, parfait. Et là, j'ai une drôle de question pour toi. Ouais. Cette année, tu es nominé à la 10 dans plusieurs catégories, album pop rock de l'année, chanson populaire pour En attendant le soleil, interprète masculin de l'année et spectacle de l'année. Est-ce que tu es du genre à exposer fièrement tout ce que tu gagnes chez vous dans une pièce ou étagère dans le salon? Non. Non, j'ai tous les prix que j'ai gagnés, j'en ai pas gagné des tonnes là, mais tu sais, tous les prix que j'ai gagnés depuis une dizaine d'années sont en, dans ma cave là, sont pas dans des boîtes nécessairement, mais sont pas si tu rentrais chez nous, tu pourrais pas remarquer comme ça. Non, ils sont pas étalés au-dessus du foyer. Puis je sais pas, on dirait que je veux pas penser à ça moi quand je suis quand je suis en train d'écrire des chansons ou quand j'arrive chez nous, je ressens pas le besoin de m'allumer un feu puis de regarder un trophée, tu sais, au-dessus. J'aime mieux mettre vraiment la switch à off puis penser que je suis pas nécessairement quelqu'un d'autre, mais que je reprends une vie tout à fait normale, ce qui me permet de garder un équilibre, un meilleur équilibre en fait. Oui, c'est ça. Cela étant dit, ça veut pas dire que je suis pas content d'avoir des nominations, ouais, de gagner ouais. des prix. Je suis très très content, mais on dirait que c'est vraiment peut-être une... C'est peut-être étrange ce que je vais dire encore une fois, mais une question de... j'aurais peur que ça me porte malchance, je pense, d'étaler toutes ces affaires-là. Là, tu sais, je pense pas que ça serait bon pour moi. Un peu prendre pour acquis, t'aimes mieux garder les pieds sur terre, dans le fond. Ouais, c'est une façon de... Ouais, c'est une façon de que tu sais, quand t'arrives chez vous, puis tu fais « OK, c'est fini, là ». C'est bon. Puis justement, dans les nominations, j'ai mentionné la chanson populaire de l'année. Et c'est vraiment drôle parce que tu réussis à percer vraiment différents milieux. Les radios populaires t'apprécient vraiment beaucoup. Les radios communautaires, moins commerciales aussi. C'est quoi, tu penses, la recette pour réussir à percer dans tous les différents milieux sans se plier aux exigences ou aux attentes qu'il peut y avoir? C'est vraiment une bonne question, là. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment de recette parce qu'il y a des artistes qui jouent presque pas à la radio puis qui vendent énormément d'albums, puis il y a l'inverse qui est aussi vrai, des artistes qui tournent beaucoup. Moi, je me trouve surtout privilégié parce que moi, j'ai commencé quand mes trois premiers albums ont joué beaucoup plus sur les radios universitaires puis les radios communautaires que sur les grandes radios commerciales. Fait que j'ai commencé à me forger un public dans ces milieux-là, puis j'ai la chance d'avoir encore le support de ces médias-là. Puis moi, c'est, je te cacherai pas que c'est les radios que j'écoute parce que c'est encore les radios qui sont les plus libres. Oui, et puis où on rencontre des animateurs qui ont vraiment la passion de la musique puis des connaissances des fois très très approfondies de certains genres musicaux. Fait que moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puis je pense que cette liberté-là est essentielle à notre époque. T'sais, faut pas la perdre parce que ça crée une diversité dans les différentes régions du Québec primordiale, puis ça permet aux artistes émergents d'avoir des tribunes significatives pour s'exprimer puis pour rencontrer des nouveaux publics. Parce que moi, les trois accords, je les ai découverts en écoutant CISM à Montréal, la même affaire avec les Cowboys fringants. Fait que j'ai découvert des chansons, des B-sides, des colocs. C'est quand Dehors Novembre est sorti, justement, la chanson Dehors Novembre, je l'ai entendue à CFLX à Sherbrooke. Fait que je pense que ces radios-là sont vraiment, vraiment importantes pour un certain public, pour rencontrer justement les artistes sous un autre jour que sur leurs singles plus les plus connus. T'sais. Puis cela étant dit, ben c'est c'est trippant quand t'arrives dans un grand événement puis que les radios commerciales ont joué tes chansons parce que ça permet un plus grand public de chanter avec nous autres les chansons. Fait que je dis pas ça pour diminuer l'impact ou l'importance des radios commerciales dans mon cheminement. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir les deux puis je suis content d'avoir les deux parce que dans le fond, je pense que je fais des chansons populaires, tu sais. Et donc, une chanson populaire, c'est le fun qu'elle devienne populaire, c'est par définition. Sinon, ben, c'est un peu un échec, là. Ouais, c'est sûr. Dans le fond, les deux ont leurs avantages, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Puis, justement, t'es nominé à la disque, mais on va pouvoir te voir en performance à l'autre gala de la disque, qui va être le 1er novembre prochain. Donc, on va pouvoir te voir là. Et aussi, demain, tu es en spectacle à Saint-Hyacinthe, oui, au Centre des Arts Juliette Lassonde, et bien sûr, vendredi, au Centre des Arts de Shawinigan. Et dans le fond, on peut voir toutes tes dates de concert sur ton site vincentvallière.com ou myspace.com/VincentVallière officiel. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu aimerais qu'on fasse jouer sur n'importe quel album? Ben peut-être faire jouer une chanson qu'on vient de sortir en extrait la semaine passée. C'est ma chanson préférée, je pense, depuis mes débuts. Ça s'appelle « On va s'aimer encore ». C'est sur mon dernier disque, « Le monde tourne fort ». On la joue tellement souvent. En plus, on l'a joué justement cette semaine quand on a annoncé l'entrevue. OK. Ah, ben tant mieux. Je suis content que cette chanson-là tourne parce que ben je l'aime beaucoup, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à la chanter en concert aussi, même si elle est pas très représentative du spectacle, elle est peut-être un peu plus rock'n'roll, mais quand cette tune-là arrive, ben je suis toujours content. Ah, c'est sûr, je pense que c'est la préférée de plusieurs animateurs assez fous aussi sur cet album-là. Cool. Excellent. Donc merci beaucoup. On espère pouvoir te reparler peut-être quand il va y avoir un nouvel album qui va sortir. Ouais, avec plaisir. Ou des nouveaux projets. Donc merci beaucoup et on espère te voir à Shawinigan vendredi soir. OK, merci Stéphanie. Merci, bye bye. Dans le miroir, nos faces ridées pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort. On va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort. On va s'aimer encore. Nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort. On va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort. On va s'aimer encore. Démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort. On va s'aimer encore au bout de nos doigts. On va s'aimer encore de Vincent Vallière, ma pièce préférée de l'album et aussi la sienne. Ah! Ah, vous êtes faites pour être ensemble. Non. Je pense qu'il y a comme une famille, lui. Oui, oui. Malheureusement. Vincent Vallière, que tu recevais plus tôt cette semaine en entrevue via téléphone. Oui. Et on passe à ça pour la première fois ici dans les Palmarès, c'est fou. Oui, si ça vous intéresse, il est en spectacle demain soir à Shawinigan, au Centre des Arts. Et il y a des tonnes d'autres dates sur son site web, là, ça n'arrête plus. Hein, pour il y en a vraiment énormément, entre autres le 4 février à Montréal, je vais y être. Et aussi, tu me dis qu'il revenait à Trois-Rivières. Oui, ça c'est au mois de, je crois, si je ne me trompe pas, avril. C'est comme okay. Très, très loin là encore. Ouais, moi déjà février, je trouve ça trop loin, ouais. Là, mais... T'es patiente, hein? Oui. T'aurais pu y aller demain, mais... Non, je pouvais pas. Moi non plus, c'est vraiment dommage quand ça arrive, mais que voulez-vous? C'est comme ça. On remercie Vincent Vallière énormément. Et on se procure son album partout, plusieurs fois. Downloadez-le, achetez-le, faites tout ce que vous voulez. Downloadez-le légalement. Oui, évidemment. Ben oui, mais ça, de toute façon, je vais en parler tantôt. La moyeurie. On en parle tantôt. C'est ça. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou, hein, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Si vous vous souvenez bien, juste avant l'entrevue, on était rendu aux positions numéro 9. Du côté anglophone, on va entendre Random Recipe avec Something on My Mind. Oui, en effet, juste avant, on va entendre Madame Lou de Danny Placard, qui est à la 9e position, qui descend de 4. Et puis suivront les positions numéro 8. Yeah! Yeah! Tu fais ce métier-là depuis 35 ans. J'en ai connu aucune qui joue avec l'amour autant. Comment tu fais pour te revenir et te bon rien que de temps en temps? Une heure passée avec toi, puis tout part en coup de vent. Tu finis par prendre racine au coin d'une rue. Et puis tu fais toujours semblant que personne t'a vu. Something on my mind, and it's burning my lips, and I'm trying to find the perfect way, slowly taking sips, to express my shit, cause I got something on my mind, and it's burning my lips, and I'm trying to find the perfect way, slowly taking sips, to express my shit, like a bottle of wine, red or white, make my knees with my soul, I mean and I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my side. Sober up the veins and kiss me right. You might know this already and that's alright. Your jumping on my heart makes me feel so light. You're running through my mind day and night. Please tell me if there's a way you and me might. You got me spinning around and that's okay. Who knew somebody could use the charm that way? Inside of me I'm so hyper but I lack polite. Please tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect word. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I'm a submit. And I'm trying to find the perfect word. Slowly taking sips to express my shit. Radio-Canada.ca, t'as RDS.com, t'as aussi, t'as RenaultBré.com, t'en as une couple de même, mais CFOU.ca, t'as essayé? Essaye ça, gars. C'est fou en ligne, une présentation de Infotech Internet. Tu peux laisser mon cœur s'anéantir Jay Gonzalez avec Night Moves, position numéro 8 qui monte de la 17e place. Donc, un assez grand saut pour ce Chili. Disons qu'il fait pas froid au sommet, Chili. Froid. Juste avant, on a entendu Vulgaire Machin avec Je m'excuse, je t'aime, qui monte de 12 positions. C'était à la 20e la semaine dernière, nouvelle entrée. Il y en a des chanceux dans la vie, hein? Hein? Il y en a des chanceux comme vous, les auditeurs, les palmiers, parce que c'est le moment de parler de nouvelles culturelles. Voici Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Stéphanie, dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe de neuf dans le monde artistique cette semaine? Cette semaine, c'est vraiment toutes des petites nouvelles, pas trop détaillées, un peu comme c'est un fait, là. Ouais, tac, c'est tac, snap, tac. Snap, snap, là. C'est ça. On se claque ça dans les doigts, là. C'est ça. Ouais. Donc, Sony ont annoncé cette semaine qu'après 30 ans, ils arrêtent de fabriquer le Walkman. Oui, incroyable, hein, mais et vrai. Pourtant, ils devaient en vendre tellement. Ben, c'est ça, apparemment. Quelle déception. Il y a sûrement des pays où les gens ont tellement peu d'argent qu'ils doivent s'acheter seulement des Walkman. Ça peut arriver. Ensuite de ça, il y a Zeus qui se sont rendus à la longue liste pour le prix de Polaris. C'est vraiment Snap Snap, hein? C'était juste ça la nouvelle. Hein? Oui, c'était juste ça la nouvelle. Bon. Je pense au prochain. Donc, je disais, Zeus qui se sont rendus à la longue liste pour le prix Polaris vont sortir deux nouvelles pièces, Hot Under the Collar et Airplane, le 7 décembre. Next, je mets la petite pause pour que tu me le demandes. Okay. Oui, next. Tantôt, on a entendu la pièce Le Pyromane de Carquois. Eh bien, ils ont sorti un nouveau clip pour cette pièce-là, réalisé par Olivier Picard et David Pierrat de la maison Parce que Film, qui ont gagné deux Félix dans la catégorie Vidéoclip de l'année en 2009 et en 2008 pour La Façade et Échapper au sort de Carquois. Next. Crystal Castles ont collaboré avec Robert Plant de The Cure pour enregistrer la chanson Not in Love. Vous pouvez aller écouter la pièce sur somekindofawesome.com. Aussi, une nouvelle pièce pour Broken Bells, deux nouvelles pièces, Marin Fields et The Ghost Inside. Ensuite, ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça sur somekindofawesome.com encore une fois. C'est une liste de. Une to-do list. Liste de choses à faire. Liste de choses à faire de Johnny Cash. OK. Mais elle est vraiment drôle. Il est écrit en numéro 1, ne pas fumer. Après ça, embrasser June. Après ça, ne pas embrasser quelqu'un d'autre. Après ça, tousser, aller aux toilettes, manger, ne pas trop manger. Worry. Sans faire. Sans faire, ouais. Se soucier de. Oui, c'est ça. Aller voir ma mère, pratiquer le piano. Et là, à la fin, il est écrit notes, deux points. Puis il est écrit not write notes. Ne pas écrire de notes. Il y a quand même un petit sens de l'humour, je trouve. Ouais, c'est bien. Bref, j'ai trouvé ça très, très cute. Ensuite de ça, il y a un juge fédéral. Je te parlais de LimeWire tantôt. Il y a un juge fédéral là, aux États-Unis qui a décidé de fermer LimeWire. Ouais. Un ouais, assez ridicule. Hein? C'est fini. Ben oui, mais ben, il y en a un qui meurt, il y en a 10 qui naissent. Fait que, ouais. Ouais, j'aimerais ça que tu me dises c'est lequel. Hein? Ah, on s'en parle. Donc, c'est ça, il y a des avantages. BitTorrent, c'est l'avenir en passant. Juste pour continuer. Bref, il y a des avantages et des inconvénients. Comme moi, j'achète vraiment pas mal toutes mes CD, sauf pour la musique que j'ai honte d'acheter. Puis que j'aime juste une chanson. Là. Mais à part de ça, je suis d'accord quand même. Parce que j'aime pas vraiment le download. Ensuite de ça, il y a les gimmicks qui vont être présentés le 14 novembre au studio Juste pour rire. Il va y avoir performance de We Are Wolves et Sonny Duval, entre autres. C'est-tu qui va faire de l'humour à cette soirée-là? C'est ça, j'allais dire. Vidons la don à la question, vont être là. Donc, c'est ça, c'est tout. Ça va être écœurant, hein? ça va être génial. Ça va être génial. Je vais essayer d'y aller. C'est tout pour mes nouvelles. Ouais. Merci, Stéphanie. De rien, Mathieu Plante. D'autres nouvelles dans toutes les éditions des Palmarès C'est fou, dans ta chronique Guess What? Oui. La semaine prochaine. Vous êtes toujours dans les Palmarès C'est fou, vous à la maison, où vous soyez à la maison, les gens, là, comme ils disent, la phrase, c'est quoi la phrase? Les gens. En tout cas, on est rendu aux positions numéro 7 du palmarès de chaque côté. Du côté anglophone, c'est Land of Talk avec Quarry Hymns qui monte de la 13e place. Donc, si on note comme faux, 6 positions vers le haut. Et là, très drôle de lien, la chronique Guess What, on va l'entendre Radio-Radio. Parce que Guess What est une chanson de Radio-Radio, ce que vous entendez en arrière. C'est... Mais on va l'entendre Enfant spécial qui descend de 3 positions. C'est sa 8e semaine. Et restez avec nous parce que plus tard, on a plein d'autres choses à vous proposer. Les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et une entrevue avec la formation montréalaise Our Book and the Authors. Ça s'en vient, mais pour l'instant, Radio-Radio. 89 FM, c'est fou! C'est spécial, c'est fou, c'est dément, débile, fucké red. Hein? C'est sick! What? Nice chill. Dude. Yo, man! mushy, mushy, un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. Nakimo, Nakishego, Akistin Fima, vraiment cheese que t'es. Dis ta vie drôle, pour le fun, veux-tu en discuter? Ton psychiatre a une prescription pleine de ritaline, halogène ou valium, des enfants spéciaux avec des pensées spéciaux. Hello, si t'es au multitask, il faut que tu pick up le check avec une face comme ce sec. Au moins, ma mère trouve que je suis cute, à même ramener si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, oui, j'pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. Aki moshi, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Aki moshi, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est même la terre nous a fait. So why no word, c'est ça que j't'ai invité. Ma qui moi chie pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'en contre yen pis j'irai danser dans le noir. Jusque tout ce que tu vois et pas vraiment là. Ma échec tu sais parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial, j't'aime bien jusqu'à là. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute, ma jeune enfant de l'état. Ma qui moi chie pour dire tout ça, c'est vrai. T'es j'en fous qu'on n'est pas là, pis j'avons point jusqu'à la place qu'il faut aller pour trouver back Sicilien. J'ai dit fun dans un fan 3 ans, pis j'marche pas du mi-pied. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Ouais, je suis un singe, je suis un roi, je suis un coureur de bois. Je suis un capitaine d'un bateau, je suis Jésus sur la croix. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un grand-père, un bébé. J'suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. J'suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'a chaque année en sorcier. J'suis un pauvre, j'suis un riche, j'suis un coucher d'une caniche. J'suis un clean cut, prep un hippie avec une barbiche. Y'a toi pis moi j'suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et j'jump d'une planète à l'autre, toujours prêt de me moquer. De l'énergie qui déborde, moi j'peux me laisser m'emporter. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, toi t'es un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, moi chie un enfant spécial. Moi chie un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi chie, toi t'es un enfant spécial. Numéro 7. Thank you. C'était Land of Talk avec Corey Hims qui est à la 7e position. Ça monte de 6 positions. Et juste avant, on a entendu Radio Radio avec Enfant Spécial. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès. C'est fou. On se retrouve dans quelques minutes avec la formation Our Book and the Authors en entrevue téléphonique. C'est ce qui s'en vient. Et aussi plein de bonne musique, dont Atomic Baobab, les Frères Goyette, Ariel, Tokyo Police Club of Montreal et Weezer. Restez là. Wow! Hein? C'est du stock, ça? C'est de la bonne c'est musique? C'est du stock. Ça va être excellent, je pense. Peut-être qu'on va en sauter quelques-uns là-dedans. C'est ça que je t'en avais dire. On se comprend. Bon, vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou pour la semaine du 25 au 31 octobre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Bon retour à vous. Il y a plein de musique qui s'en vient pour vous. Donc, certainement, il faut rester à l'écoute. Mais non seulement on a de la musique, on a en plus des invités. C'est comme une cavalcade de stars ou de stars en devenir. Oui, absolument. Aujourd'hui. Cette semaine, on a Art Book and the Authors en entrevue. Oui, on reçoit Gabriel Damour, chanteur et compositeur de la formation par téléphone en ce moment même. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. En route directement, là, live vers votre spectacle au Nord-Ouest qui a lieu ce soir, jeudi 28 octobre à 20h30. C'est exact. Donc, on a une vraie caravane de superstars, comme tu pourrais dire. Ben oui. Pour commencer, je vais t'avouer bien humblement comme ça qu'on n'a pas encore votre CD assez fou. Donc, par le fait même, on vous a pas énormément joué. Donc, les gens veulent en savoir plus sur vous. Peux-tu me parler un petit peu de l'historique de Our Book and the Authors? Je vous dirais que ça fait environ un an et demi que Our Book and the Authors existe en tant que groupe et de 4 membres. Et puis, ça fait environ un an et demi que notre LP est sorti. Et depuis ce temps-là, je vais être humble avec vous. Avec vous aussi, on vous a pas envoyé le CD, malheureusement. Ben mais, c'est pas venez vous le porter en main propre, mais il n'y a rien de personnel, par exemple. mais on travaille fort depuis ce temps-là, et puis on essaie de pousser notre musique, parce que ça apparaît trop arrogant. On croit dans le produit, puis on est capable de... je pense qu'on a quelque chose qui pourrait être écoutable. Ben, c'est plus qu'écoutable, je dirais. Ah. Si je peux vous complimenter, c'est plus qu'écoutable. Non, mais c'est très, très bon pour moi. Merci. Peux-tu me parler des autres membres du groupe, autre que toi, qui est donc Gabriel Damour, chanteur-compositeur? Exact. Donc, ça, c'est moi. Et on a aussi Jean-Christian Arrault, qui est officiellement... Wouhou! Jean-Christian Arrault, encore une fois, wouhou! Il conduit à côté de moi. Donc, lui, c'est officiellement le deuxième membre du groupe. Et il m'a aidé à monter l'album et le produit, arrangé aussi pour le premier album. Et c'est aussi lui qui a fait, je dirais, pas mal tout ce qui... le edit EP, qu'est-ce qu'on appelle. Okay. C'est pas mal lui qui a fait le tout là-dedans. Et on a aussi deux anciennes superstars de Elephantine. Yeah! On a Marc-André Petel et Julien Simon, la section... percussion et basse de Elephantine. OK, mais là, tu m'inquiètes un peu en me disant des anciens membres de l'ancienne section rythmique, comme quasiment l'ancien groupe Elephantine. Est-ce que Elephantine continue quand même? Malheureusement, vous n'avez pas reçu le courriel? Ben, oui, mais c'est ça, mais je te le demande comme ça, comme pour les auditeurs qui non, sont... Non, je pense que... Je crois que ce groupe-là n'existe plus, malheureusement, mais... Ouais. C'était très bon, mais ça a duré le temps que ça a duré. Oui, c'est ça. Là, votre premier album, tu disais, date de 2009, et là, vous sortez un album de remix. Pourquoi avoir décidé de sortir un album de remix? Est-ce que vous travaillez quand même sur le deuxième album? Est-ce que c'est comme un genre de d'attente que vous permettez de donner aux gens? Ouais. Mais en fait, c'est tout simplement pour rester... je pense que c'est tout simplement pour rester actif. Là, c'est pour que le monde nous oublie. Et aussi, ces remixes-là existent depuis... Plusieurs de ces remixes-là existent depuis longtemps... Et on voulait pas les gaspiller. Personnellement, je trouve qu'il y en a des remixes. En fait, parce que c'est des remixes des tunes, de nos tunes du LP, plus une tune que j'aime sortir. Donc, personnellement, je trouve qu'il y en a de ces tunes, des remixes qui sont meilleurs que les originales. Donc, on voulait vraiment juste plus en donner au public possible, c'est tout. Une valeur ajoutée. Exact, une valeur ajoutée. Puis, bien sûr, on travaille activement sur l'album. Mm-hmm. Deuxième album. Ouais, ok, ben parfait, c'est bon à savoir que vous travaillez donc sur le deuxième album. On parle de vous en ce moment sur plusieurs blogs. Là. Est-ce que vous trouvez qu'Internet, c'est la meilleure façon de propager votre musique de nos jours? Pour nous, oui. Pour vous? Pour nous, oui, parce qu'on est un groupe indépendant, et quand je dis indépendant, je ne parle pas signé avec un label indépendant. On est tout à fait indépendant. Donc, tout ce qui est promotion, les shows, la distribution de CD, c'est tout nous autres qui fait ça. Mm-hmm. Ça même. Ouais, ben c'est très bien. Donc oui, l'Internet, donc, oui. C'est un moyen incroyable pour nous autres de propager notre musique. Sans aucun doute. Parlons un petit peu des formations qui vous ont donné envie de faire de la musique. T'sais, on demande souvent aux artistes, bon, c'est quoi que vous écoutez en ce moment, mais qu'est-ce que vous avez écouté qui vous a donné l'envie de faire de la musique? Ah mon Dieu. Moi, je pourrais dire personnellement, c'est un mélange de qu'est-ce que j'écoutais pendant ma jeunesse et qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui. Mais je dirais, le groupe ou la personne qui m'a vraiment inspiré, c'était Moby. Je sais, qu'est-ce que t'en dis, toi? La question. Il demande, c'est quoi tes inspirations? beaucoup de choses. Du Cock Rock, Chemical Brothers, jusqu'à Mod Selector, plus récemment. Donc, du Cock Rock, Mod Selector, Styx, Queen. Oh! Non! Non, tout sauf les deux derniers. Okay. Mais excusez-nous, on est en train de conduire. Ah, j'aime ça. Ouais, pas avec le cellulaire au volant, là, par exemple. Non, vous check, là. Vous nous checkez. Ben ouais. Mais c'est un mélange de plein de groupes. Je vous dirais que nos inspirations sont assez variées. Là. Tout le monde dans le groupe écoute la musique différente, chacun, chacune. Donc, c'est vraiment... Un melting pot. Un gros melting pot. Gros crock pot. Crockpot, OK, avec des épices. Puis, bien... Exact, des épices, puis ça prend beaucoup de temps à cuire. Ouais. Ça a l'air bon. C'est délicieux. question que les gens veulent entendre la réponse à. Mettons, remets les mots dans l'ordre, ça va aller. Le nom, j'essaie de me rendre vers une question qui a de l'allure. Le nom... Je suis sûrement pire que toi, donc... Ah non, quand même pas, là. Faudrait pas changer. Le nom Our Book and the Authors, c'est ce qui allume l'imagination des gens, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une influence littéraire dans votre groupe, dans ce que vous faites? Excuse-moi, je comprends pas la question. La question est, votre nom de groupe est Our Book and the Authors. Donc, oui. Notre livre et les auteurs. L'influence, est-ce qu'elle est littéraire? D'où vient l'inspiration du nom? Ah, en fait, je pourrais vous mentir et dire que l'inspiration, le nom vient d'un questionnement que je me suis posé, et c'est vraiment loin. Moi, avec le temps, j'ai trouvé que Our Book and the Authors, pour moi, c'était un peu... Our Book, c'était nous autres, le projet, la musique qu'on fait, et The Authors, c'était vraiment nos inspirations, le monde qu'on rencontrait qui influençait cette musique-là et qui nous faisait, en fait, qui nous l'écrivait pour nous autres, mais pas littéralement, mais je parle dans nos têtes. Mais vraiment, ce nom-là est juste sorti parce que fallait trouver un nom au projet. Ouais, c'est difficile de trouver des noms, en effet. Je trouve que le vôtre est très bon. Et d'ailleurs, j'aime l'acronyme aussi. C'est le fun. Obata. Obata, exact. Mais on est chanceux parce qu'avec Obama, ça rime, mais ça reste pas rien dans la tête. C'est vrai? Est-ce que c'est de la musique démocrate? Non. Du tout. De la gauche? Du tout. De la musique de gauche. Sans commentaire. Ouais, c'est ça. Sans commentaire. Ah, je viens d'entendre ce commentaire-là, gauche. Ça m'énerve. Peu importe. On dit que vous attirez un public hipster. Et nous, on aime le mot hipster, on aime les gens hipsters. Est-ce que vous considérez hipster vous-même? Et est-ce que vous aimez les hipsters ou est-ce que vous les détestez? Je pense qu'on les déteste pas nécessairement. Un hipster, comme n'importe qui, comme les gens sont comme des gens normaux. C'est pas une autre espèce. Exact. C'est pas une autre espèce. Même je me fais traiter de hipster souvent, mais je me considère pas... être un hipster, mais ça, c'est la première règle d'être hipster. Faut pas que tu penses que tu sois un hipster. Exactement. Très bon point. Fait que t'es sûrement un hipster, mais juste donc, sans le savoir. Donc, je suis sûrement un hipster. Oui, je vous dirais que, notre public est assez varié, mais oui, les hipsters en font part et on les accepte comme tout le monde. Et les douchebags, hein? Les douchebags aussi sont invités. Ah ouais, ah, ça, par exemple. On les aime aussi, ils sentent très bon, on n'a pas besoin de mettre du parfum dans la toilette. Est-ce qu'ils payent plus cher, eux autres, par exemple? Du tout. Ah! Non, il en dépense plus pareil parce qu'il faut qu'il saoule les filles pour. En tout cas, bon, bref. J'ai rien dit. Non, mais moi non plus. Il y avait un grichement, je pense, par-dessus. On dit qu'en spectacle, parce que là, bon, vous vous dirigez vers le Nord-Ouest pour être en spectacle ce soir, vers les 20h30. Vous allez y être, j'espère. Si vous nous donnez une passe droite, on va peut-être y penser. Hein? Ah, vous avez deux guest lists pour vous et vos amis douchebag et hipster. Malade. On en connaît tellement. Donc, on dit qu'en spectacle, c'est pas mal différent du CD. Est-ce que, pour le moment, est-ce que c'est vrai, selon toi? C'est très vrai, c'est okay. très vrai. Pourquoi? Justement, être capable de... Le disque, en tant que tel, c'est fait pour la plupart dans mon salon avec Jean-Christian. Et le CD se retrouve à être un peu plus relax, plus mollo, plus un disque qu'on va s'asseoir écouter, tandis que le show, c'est vraiment beaucoup plus upbeat, si on veut. On peut danser même sur plusieurs des chansons qu'on fait à cause du fait qu'on est un full band. OK. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que le disque n'est pas aussi, aussi upbeat. C'est parce que vous l'avez fait vous-même À la maison. Non, c'est pas... Ben, en fait, c'est pas vraiment un choix. C'est plus par nécessité, finalement. Oh, exact. À ce moment-là, c'est de la façon dont on travaillait. Puis on travaillait bien de cette façon-là. Donc, c'est comme ça. Parfait. Quels sont vos projets pour le futur? Donc, deuxième album, c'est ce qui commence maintenant. Vous êtes en train de le travailler. Est-ce que ça sort bientôt? Est-ce qu'il y a un échéancier? Non, il n'y a pas d'échéancier. Mais nous autres, on veut vraiment pas se presser. On veut garder sans paraître trop arrogant. Je pense qu'on a une bonne réputation. On s'est bâti une bonne réputation avec le premier disque. Donc, on veut continuer à faire la musique que nous autres même on écouterait et qu'on pourrait apprécier. Donc, on veut donner un bon produit. Et nos projets dans le futur, c'est vraiment juste de plus se faire connaître à l'extérieur du Québec. On revient d'une tournée de l'Ontario et tout ça. Donc, De toute façon, nous autres, on n'est pas trop pressés. Quand vous allez nous avoir envoyé le CD, ça va être comme s'il va être tout nouveau pour nous. Yes. Exact! C'est ça le pays. Il y a plein de monde ici au Québec qui n'ont pas encore entendu le CD. Votre album, pour ceux qui veulent se le procurer, autre que venir nous voler celui qu'on a assez fou quand on va l'avoir reçu, on ne conseille pas. Où est-ce qu'on se le procure? On peut se le procurer à n'importe quel Archambault, sur iTunes, sur CD Baby, sur l'Internet. Vous avez une carte de crédit. Sinon, il y a toujours possibilité de venir l'acheter au show directement et venir nous serrer la main en même temps. Mais quel incroyable lien vers votre spectacle de ce soir. Donc, 20h30 au Nord-Ouest. Faut être présent. C'est au centre-ville. C'est super simple à trouver. Là. J'espère que les gens savent c'est où le Nord-Ouest. Nous autres, on a un peu de misère à le trouver en ce moment. Là, okay. Mais... c'est à côté du Morgan. Ça élimine aucune rue en passant parce qu'il y a des Morgan à tous les coins de rue à Trois-Rivières. Exact, à côté de la pâtisserie belge et du voyage. Exactement. Vasco. Oui, suivez les gros points d'interrogation qui vous disent... Non, c'est vrai. C'est le local d'information de Trois-Rivières, c'est chaque côté. Parfait, c'est bon. Ça a des blagues. Nord-Ouest, ce soir, jeudi. Exact. Est-ce que tu veux choisir une pièce là, qui serait disponible sur votre MySpace, mettons, pour qu'on puisse la jouer? oui, si vous allez dans nos amis, okay. Et notre premier ami, c'est Our Book and the Authors Remix. OK. Et cliquez sur, allez sur le Killing Flies. Ça, c'est notre single le plus récent. Ça vient du album EP. Bon, ben on va aller écouter ça dans les prochaines secondes. Alors, on te remercie. On remercie le groupe au complet qui ont participé pendant la conférence téléphonique ou presque. Allô! Allô! C'est moi qui vous remercie. Et très bon spectacle ce soir. Et puis, très bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Et continuez Merci. D'entreprendre. Et on va attendre votre CD aussi. Parfait. Oui. Et on se voit ce soir. Oui. Oui, absolument. Killing Flies, The Our Book and the Authors. Merci beaucoup. Bye, là. Bye. Au revoir. La formation Our Book and the Authors et un remix de la pièce Killing Flies. J'adore. Hey, j'adore. C'est bon. Je me peux plus, j'ai vraiment hâte d'avoir le CD. Tout à fait. Et moi, j'ai hâte de les voir en spectacle aussi. Oui, à soir, Nord-Ouest, on va y être, soyez-y. Pour les auditeurs du jeudi, bien évidemment. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et là, on revient sur notre piste des palmarès. On est rendu aux positions. En fait, on va sauter par-dessus une couple d'affaires. On saute par-dessus les sixièmes, c'est-à-dire Jérôme Minière en franco avec des pieds et des mains. Même si c'était nouveau la semaine passée, on l'entendra la semaine prochaine. Alors que du côté anglo, on saute par-dessus Melgrove Band avec Ghosts at My Back qui monte de 6 places. On va aussi sauter par-dessus les cinquièmes positions. Côté francophone, c'est Chinatown avec Bateau de querelle qui montait de 10 positions. Et côté anglophone, Weezer avec Ruling Me qui montait aussi de 5 positions. On va passer aux positions numéro 4 du côté anglo. C'est Off Montreal avec Coquette qui monte de 5 places. Mais on commence avec Atomic Baobab qui était numéro 1 la semaine dernière et leur pièce Bombe cérébrale. Au palmarès, c'est fou! 89 ans. C'est ça que je me dis chaque matin, je regarde le fond de sa main. Mais c'est la big jam, il faut que ça garde. Bien le volant, bien le sourire, ma carte. Amène les temps de temps. Puis ce que tu fais, c'est tes affaires. Moi je fais les miennes de toute manière. C'est pas le fond, c'est ça. Je te dis que si tout le monde était comme toi, il n'y aurait pas de problème. Hey. Je pourrais m'appeler que la dernière fois, j'ai croisé sa main. Il est midi, il fait chaud, la veille, y'a tout le monde qui se court. On peut rester toute la journée. Coquette, coquette, you know I won't typical. Oh my cookhead, you're Herculean. You are so miserable. Cookhead, cookhead, you know I won't forget how you made me cry to prove I was dutiful. Oh my cookhead, my teenage lust for you is so beautiful. Retour Gaslight Anthem, Ariel et nos numéros 1 dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Sans remords par la route du Nord. JPLP avec la pièce Mauvaise Track. À la troisième position, ça monte de 5. On sort par-dessus la troisième position anglophone qui est Silver Jenny Dollar de The New Pornographers parce que ça fait 8 semaines que c'est là et on doit sauver du temps un petit peu pour se rendre jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste les positions 2 et 1 à entendre tout à l'heure. Mais avant ça, Stéphanie. C'est un instant classique. C'est un instant classique. On écoute les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 25 octobre 2010. Ça s'accroche pour ceux qui ne comprennent pas les paroles, mais sinon, c'est plus drôle quand tu comprends les paroles. Ouais, non, mais l'idée... Puis en même temps, c'est très facile de comprendre les paroles. Ah ouais? Mais... Fait que ceux qui ne comprennent pas, tu es en train de les traiter d'épais. Non. Mais... Okay. Oui, petit bloc de genre de... Funny songs. Funny shit! Je me suis censuré moi-même. Ouais. Wouh! Ah, je pourrais me déguiser en DG, en directeur général. Oui. T'as besoin, ça pourrait être la secrétaire. Oh, sexy, secrétaire sexy, j'aime ça! Soudainement, là. Et puis écoute, après ça, laisse-toi aller. Oui, c'est ça. Fais ce que vous voulez. Mais je veux pas savoir. Pas trop de détails. Non. Sortie des boulamites d'Alexandre Delage va nous présenter des vieux succès sortis de son tiroir à balais. Parce qu'on met des balais dans un tiroir maintenant de nos jours. Les balais sont plus petits qu'avant, sont rétractables. On va faire comme si de rien n'était parce que ça a l'air plus comme si le dos d'un canard dans une poêle. On s'en va demain? Oui, demain. Même heure, même poste. Même heure? 7h. 7h. T'es sûr que c'est obligé d'être à 7h à tous les jours, mettons? Pas chouette. Ah oui. Pas chouette. Mais toi, t'es mieux de sortir un peu avant chez vous. Ouais. Un signe de tête qui veut dire non, mais en bougeant la tête comme ça, tu comprends toujours pas, c'est non. Non, François-Olivier Marchand. Oh, je sais pas ce que tu veux dire. Peut-être qu'on va, peut-être rire aussi. On va peut-être faire. Peut-être ou peut-être tout simplement pas. Ah, peut-être. J'aime tellement ça m'entendre. Ben oui, hein. Nous autres aussi, on aime ça. On tripe, là. Des bulles. Des bulles. On tripe des bulles. T'as de l'air à triper. merci. Je me regarde drôlement. Ben, je te regarde toujours drôlement, Mathieu. Ouais, sache-le. Là, c'était particulier, je trouvais. Moi, je trouve que c'était un beau moment où on n'avait rien à dire, hein, finalement. Ben, c'est pas si pire. Ça aurait pu être pire que ça. Au moins une fois par jour, je trouve, en créer un. Imagine que tu dis rien, je dis rien, on se regarde. C'est tout. Là, ça pourrait paraître plus long et puis... Ouais. Non, je l'ai formé. Je suis tanné. C'est à ton tour, là. Mathieu, tu me pines tout le temps. Bon, ça va faire. Ça fait. Ça fait un gros. Avec la pièce « My body is a zombie for you ». Oh yeah. Hein, c'est bien ça, Mathieu. Speaking English good. Thank you very much, You're welcome, my friend. Ben oui. Il n'y a pas de problème. Écoute, ça arrive des fois. Et puis, je suis humain après tout. Oui. Hein? Et puis, ça arrive. Malgré les cornes et les ailes. Oh, tout à fait. Et mes pectoraux sont, dit en passant, très volumineux. Oui, développés à mort. Oui, tout à fait. Tout à fait, regarde. Ouais. Fond, ça va être un fond party. Fond party. J'aime pas ça quand je t'appelle fond, mais j'aime ça, moi. Fait que... Tout le monde va être invité. Non, mais de toute façon, écoute, ça veut. Ça n'a aucun rapport avec moi. Ben, François-Olivier Marchand, hein? Oui, non, mais la faume, la mousse. La mousse. C'est effectivement ça. C'est en effectivement. J'essaie d'amener des nouvelles expressions de fois de temps en temps à l'émission. Je vois bien ça. Ça marche pas tout, hein? Sont jusqu'à 9h. Toi et moi, là, together forever. Together forever. C'est pas cliché, ça. Ben, en effet, j'aime ça. Évidemment, il y a le dîner de cons avec les scouts de l'Internet. Le scout des Internets. Je mets le pluriel à mauvaise place à chaque fois. Ben, c'est pas grave. On n'a pas encore fait de poster. Non, puis t'as pas de petit jingle non plus. Non. Ça pourrait être quoi ton jingle? On va l'inventer tout de suite live comme ça. Attention. Le scout des Internets. Hein? Oui. J'ai enregistré ça tantôt. Ouais. Bien sûr. C'était quoi qui avait hâte qu'ils finissent? Je sais pas, j'ai mis à la fin, j'espère que ça faisait cute de dire qu'on avait enfin fini les instants classiques. C'était un peu, c'était la joke. Mais... Je pense, c'était pas ma chanson de Dexter? Oui, je pense que c'était ça. Il était temps que ça finisse, oui, tout à fait. Ok, chialeux, lui. C'était nos meilleurs moments d'assemblage requis cette semaine, lundi au jeudi à 7h, ici même sur les ondes de C'est fou. On a un plaisir fou Soit dit en passant, je trouve que ça fait bien de le dire comme ça. C'est toi, Foam. Ouais, Foam. Faut l'appeler Foam. C'est plus cute, Foam. T'aimes pas ça? Ah, mais ça prend un A. Ouais, je sais, mais. François-Olivier, Antoine Marchand. Ben oui, mais là. Hein? Ouais, bref, c'est ça. C'était les meilleurs moments de l'assemblage requis qui a lieu du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Assez fou avec François-Yves Marchand et Mathieu Plante. Des meilleurs moments comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, on les a toutes mis. L'émission dure en tout 8 heures dans la semaine, puis il y a comme 4 minutes de bons moments. Fait que si vous voulez les vivre en direct, c'est là que ça se passe. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, condensé la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. En position numéro 2 anglophone, on va l'entendre de Gaslight Anthem tout à l'heure avec Orphans qui monte de 3 places. Mais on va commencer avec Fringue pour le kill d'Ariel à la deuxième position. Assez fou! 89 fois. Tu dis que c'était assez fou? Je pense qu'on a dit le mot c'est fou comme 80 fois là-dedans. Fait que c'est fou. Je pense qu'ils ont compris. Ouais. Oh, the shack's The Gaslight Anthem avec Orphans, deuxième position, c'est sa cinquième semaine. Avant ça, du côté franco, on a entendu Ariel avec Fringue pour le Kill. Ça monte de 12 places, donc ça passe de la 14e à la 2e. C'est un bonbon, ça. It's bonbon, check bonbon. Arc! Check bonbon. Tu fais une référence à Ricky Martin. Oui, je sais pas ce qui m'arrive. Hein? Check bonbon, check bonbon. Ouais, ça, on peut arrêter aussi. Il nous reste... Check bonbon. Check bonbon. Il nous reste seulement une quinzaine de minutes à l'émission et on va entendre nos positions numéro 1 là, de façon ponctuelle, genre dans les prochaines secondes de votre vie. Ah, je pensais que tu t'avançais vers une joke plate pour essayer de deviner c'était quoi. En fait, je voulais garder l'effet de surprise et aussi le fait que je n'avais pas regardé mes feuilles avant pour voir c'était quoi. Parce que j'aime pas ça, lire mes feuilles avant, ça me fait trop réfléchir à mon affaire. C'est comme, tu sais, quand tu jongles. Tu sais, quand tu jongles, faut pas que tu. Faut que tu focuses sur les balles. Autant que moi, je focus sur le jeu de mots à faire avec le nom de pièce, la balle dans mon camp, les fragoyettes. Genre, tu comprends ça? Ok, ça, ça a vraiment pas marché, là. Non, mais c'est des balles. Comment? Des balles. Jongler avec des balles. Oui, mais tu l'as nommé, hein? Ah, c'est vrai, fallait pas que je le dise. Non, faut le dire après. C'est ça l'affaire. Essaye de faire mieux avec l'anglophone. Faut pas tout dire au monde. C'est ça l'affaire qu'il faut comprendre. Parce que moi, des fois, je le comprends pas. Je le comprends pas. C'est comme si ma maman, orignal. Je suis comme un orignal. Dans ce cas-ci, si on s'imagine que, à la place d'être un humain, je suis un petit bambi. Ok, j'ai encore dit. Bon, patine, ben, j'ai encore dit. Patine, Mathieu, patine. Non, j'ai encore dit. Oui, je sais. Du bambi. Bambi. Oh, mais là, gars, on n'est pas dans un état communiste, là. On n'est pas en Asie, genre à Tokyo, où il y aurait. De la police. De la police pour me surveiller. Hein? Pourquoi pas un club de police, tu sais? Ouais, ou encore une police qui vient de descendre dans un club. Ouais. Okay. Fait que là, on a fait des jeux de mots sur chacun des mots dans les numéros 1. Mettez ça dans l'ordre dans votre tête, on vous donne les réponses juste après. Quand même pas pire. Réponse très dure à deviner. Ouais, chef. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Que voulez-vous? Si tu veux Bambi. Qu'est-ce que tu veux Bambi? Je vais t'appeler Bambi à ça. Oh, cool. Cool! Je t'appelle Bambi. Ou Bambino. Hey, ça me donne faim pour la pizza, ça. Pizza Bambino. Un gun sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur tête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite vite sur la gâchette. Je ferme la chope mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi avec des balles à blanc, j'ai eu un bon coup de semence, pis la balle est dans mon camp. Me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie. J'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand dans mon corps. première position. Les positions numéro 1 des palmarès de C'est fou et vous avez compris les jeux de mots, mais on expliquera tout à l'heure les numéros 1. Avant ça, on fait un petit résumé. Du côté francophone, la position numéro 3 est occupée par JP Dalpé et Mauvaise Track. En deuxième, on retrouve Ariel avec Fringuer pour le kill. Et en première, c'était donc les frères Goyette avec La balle dans mon camp, d'où le jeu de mots de jonglage. Côté anglophone, numéro 3, The New Pornographers avec Silver Jenny Dollar. Numéro 2, c'est The Gaslight Anthem avec Orphans. Et numéro 1, qui reste stable, Tokyo Police Club avec Bambi. D'où mes jeux de mots ratés, parce que là, on a une auditrice qui nous corrige en temps réel au fur et à mesure que je fais des jeux de mots poches. Là. Je sais qu'ils sont poches, puis des fois, les faits sont pas complètement véridiques parce qu'il faut que ça aille avec la joke, tu sais. Oui, c'est ça. Elle nous a mentionné que le bébé de l'orignal, c'est le veau. OK, donc c'est quoi le parent de Bambi? Je sais pas. Et aussi... Il faudrait qu'elle nous dise un cerf. Il était aussi... Tokyo, c'est au Japon. Et le Japon n'est pas communiste. C'est la Chine qui est communiste, c'est ça? C'est qui est communiste là-dedans? Attends, faudrait qu'elle donne les vraies réponses. Fais pas juste critiquer. Dis-nous les vraies réponses aussi, tu sais. Hein? C'est ça. Bref, est-ce qu'on fait une petite tournée ailleurs? Bon, comme on devrait. Top 3 des 10 Canadiens, qui est pas mal la même chose depuis si longtemps, mais qui fait juste changer d'ordre de temps en temps. Numéro 3, c'est The New Pornographers avec leur album Together. Numéro 2, Mister Valère avec Golden Bombay. Et numéro 1, Tokyo Police Club avec Champ. Le top 30 des CD, lui, est pas exactement pareil, donc on va le mentionner quand même. En troisième, c'est Mister Valère. En deuxième, c'est The Gaslight Anthem, donc il n'est pas canadien, on se comprend, c'est pour ça, avec l'album American Slang. En première, c'est Tokyo Police Club. On va faire un petit tour dans le top 10 Loud maintenant pour aller retrouver nos nouvelles entrées. En 10e, on trouve Witch Sorrow avec l'album homonyme. En 8e, Avocation avec Apocalyptic. En 5e, The Ocean avec Anthropocentric. En 4e, James LeBrie avec Static Impulse. 3e position, ça descend d'une place, Holy Grail avec Crisis in Utopia. 2e, Murder Dolls monte d'une place avec Women and Children Last. Et en première, c'est Stable, Blind Guardian avec At the Edge of Time. Ça en fait des affaires dans le top 10 Loud. Hein? Côté électronique, il y a aussi quatre nouvelles entrées. 10e position, Admo and the Lights avec Eclectic. 9e position, Kickbong, Kind of Imagination. 7e position, Flying Lotus avec Pattern and Grid World. Et 4e position, Handful of Snowdrops avec Mort en direct, Remastered Edition. Wow! Wow! Rien de moins. Et dans le top 3, Blonde Redhead avec Penny Sparkle. 2e position, Sufjan Stevens avec The Age of Ads. Ads. Ah, faudrait expliquer à chaque fois qu'on dit, parce que c'est Sufjan Stevens avec The Age of Odds qu'il faut prononcer. Odds. Mais là, il charrie un peu avec un nom d'album comme ça. Pour son nom, ça va, c'est son nom, faut le prononcer correctement, mais là, le nom de l'album, il aurait pu le nommer normalement, mettons, là. En tout cas. Bref, numéro 1, Uncle avec The Answer EP. Justement, on va se quitter dans quelques instants avec la pièce Vesuvius de l'artiste américain Sufjan Stevens sur son album The Age of Odds, qui est en 2e position du palmarès électronique. Et je vous conseille d'écouter le reste du top dans l'émission Le Vestibule, samedi soir à 21h en compagnie de Jean-François Fecteau. Les auditeurs du jeudi s'en vont rejoindre. Ben, en fait, vont rester avec Stéphanie Gagné qui anime une pêche en mission. Qu'est-ce qui s'en vient? Plein de bonnes choses. On va entendre parler du nouvel album d'Alexandre Desilets et aussi de l'album de Diamond Rings, Special Affection. On va aussi entendre Bonjour Brumaire, Mister Valère, Slay Bells, Rara Riot, Johnny Fournier, plein d'autres bonnes choses. Passe une belle émission, une paix bêche en mission, jeudi à 17h, on rappelle, et mercredi à 15h. Les auditeurs du vendredi, eux, vont aller rejoindre, eux, c'est vrai qu'ils vont aller rejoindre dans une autre zone temporelle qui est en direct. Ça va être l'Élysée de l'Enfer à partir de 20h, donc soyez-y. Moi, je vous retrouve lundi matin, 7h, à l'émission Assemblage requis en compagnie de François-Olivier Marchand et de moi-même. D'ici là, ben, passez une excellente fête semaine. Et puis, je remercie Vincent Vallière. Hein? Oui. Pourquoi pas? Oui. Gabriel et la formation Our Book and the Authors. On rappelle le spectacle, ça a lieu ce soir, jeudi. C'est à 20h30 au Nord-Ouest Café de Trois-Rivières. Donc, merci à eux. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à toi, Stéphanie. Merci à toi, Mathieu. Et encore une fois, on se quitte avec Sufjan Stevens. Troufion Stevens avec ce nom-là. Bien sûr. C'est le nom de son CD que je trouve ça, sérieusement. Bye. Bye. Thank you. Follow me now.